grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 13e épisode. Pip confronte Mademoiselle Havisham aux conséquences de ses folles obsessions. En plus de son propre malheur, elle a fait celui de Pip et celui d'Estella, qui a accepté d'épouser ce butor de Drummel. Découragé, rentrant chez lui, Pip est averti que Magwitch et lui courent le plus grand danger et doivent quitter l'Angleterre au plus vite. Je me mis à canoter, seul ou avec Herbert, et je sortais par tous les temps. J'appris à manœuvrer dans les courants et les remous, et bientôt personne ne me prêta plus la moindre attention. Herbert passait voir Provis 3 fois par semaine sans jamais rapporter de nouvelles alarmantes. Je vivais pourtant dans la hantise d'être surveillé, constamment agité et inquiet. Je ramais, et attendais. Un soir, pour me distraire, je décidai d'aller dîner en ville. Les lumières commençaient à jaillir de boutique en boutique. Les allumeurs de réverbères avaient le plus grand mal à planter leur échelle dans le va-et-vient affairé de la fin du jour. Je venais d'amarrer mon canot, et ne sachant où dîner, je marchais, piéton irrésolu, dans la foule affairée, lorsqu'une main s'abattit sur mon épaule. Vous allez dîner ? Monsieur Jaggers, en effet, je cherche à tromper ma solitude. Vous êtes donc libre ? Si l'on veut. Alors venez donc dîner chez moi. Où est Mick en ce moment ? Le dîner fut servi dès notre arrivée et j'essayai en vain de croiser le regard de Wemmick. Il se montrait aussi sec et distant avec moi que si j'avais eu affaire à son mauvais jumeau. Avez-vous la lettre de Mademoiselle Havisham, Wemmick ? Oui, un instant. Tenez, monsieur. Merci. Mademoiselle Havisham m'a envoyé ces 2 lignes. Elle désire vous voir à propos d'une petite affaire dont vous lui auriez parlé. Je peux partir demain matin. Il est inutile de répondre à son courrier dans ce cas. Alors comme ça, Pip, Drummel l'araignée a abattu son jeu et raflé la mise. C'est ce qu'il semblerait. Il n'est pas dit qu'il puisse n'en faire qu'à sa tête. Évidemment, s'il en vient à cogner. Il n'est quand même pas si scélérat à ce point. S'il cogne, la force peut l'emporter. Mais s'il est question d'intelligence, il n'aura pas le dernier mot. Un type comme notre ami l'araignée cogne ou s'écrase. Demandez donc l'avis de Wemmick. Cogne ou s'écrase. En espérant que l'affaire se réglera à la satisfaction de Madame Drummel. Ce ne sera jamais à la satisfaction de Monsieur et Madame. Enfin, Molly, comme tu es lente aujourd'hui. Hein. Pardonnez-moi, monsieur. Ouais. Allez-y, resservez-vous. La gouvernante de Monsieur Jaggers était debout à sa gauche et fit un pas en arrière. Son regard était d'une intensité frappante, tandis que ses doigts s'agitaient nerveusement comme s'il tricotait un ouvrage invisible. Elle me rappelait des mains et un regard semblable que j'avais eu l'occasion de voir très récemment. Quelque chose ne va pas, monsieur Pip ? Non, ça va. C'est simplement que notre sujet de conversation m'est un peu pénible. Je comprends. Tu peux disposer, Molly. Elle glissa hors de la pièce, mais son image resta imprimée devant moi. Tandis que me revenait à l'esprit cette impression de déjà-vu, ressentie lorsque j'avais observé Estella lors de ma dernière visite chez Mademoiselle Havisham, et aussi à la lumière soudaine d'un réverbère pénétrant dans notre fiacre. Je fus immédiatement et absolument certain que Molly était la mère d'Estella. Jaggers est un homme merveilleux, à nul autre pareil. Mais je dois me visser à bloc quand je mange avec lui, alors que je mange beaucoup plus à mon aise dévissé. Je trouve l'image très juste. Je ne le dirai à personne d'autre, mais je sais qu'entre nous, ce qui est, y reste. Dites-moi, monsieur Wemmick, est-ce que vous avez déjà vu la fille adoptive de Mademoiselle Havisham ? Jamais. Vous vous souvenez d'avoir attiré mon attention sur la domestique de Monsieur Jaggers? Vraiment? C'est possible? Oh, le diable m'emporte. Mais bien sûr que je m'en souviens. Je ne suis pas encore entièrement dévissé. Vous savez que ce qui est dit entre vous et moi, il reste. Nous sommes ici en terrain privé et personnel, c'est bien entendu? Bien sûr. Il y a une vingtaine d'années, cette femme fut jugée pour meurtre et acquittée. Elle était défendue par Monsieur Jaggers. Encore débutant, il fit l'admiration de tous. L'accusée s'était mariée très jeune, de la main gauche, comme on dit, avec un vagabond comme elle. Elle était d'une jalousie féroce. La victime, mieux assortie à l'homme, rapport à l'âge, grande et forte, fut trouvée morte dans une grange. Elle avait été étranglée après une lutte violente. Il n'y avait pas d'autre coupable possible, mais M. Jaggers plaida l'impossibilité physique pour sa cliente d'accomplir un tel meurtre. Au procès, elle avait des égratignures plein les mains, dont Jaggers démontra qu'elles ne provenaient pas des ongles de la victime, mais de broussailles hautes dans lesquelles l'accusé s'était frayé un chemin. L'accusation avait tâché d'établir qu'à l'époque du meurtre, au milieu de ces mêmes broussailles, l'inculpé avait tué le petit enfant qu'elle avait eu avec son mari. Et voici comment M. Jaggers la tira d'affaire. Vous justifiez les égratignures par le meurtre de son enfant, que vous n'avez jamais pu démontrer, et vous vous appuyez sur ces mêmes égratignures pour affirmer que des ongles sont à leur origine. M. Jaggers était beaucoup trop fort pour les jurés. Vous vous souvenez du sexe de l'enfant? On parlait d'une fille. Je pris la route le lendemain et trouvai Mademoiselle Avisham dans la grande salle à manger, assise sur une chaise délabrée, perdue dans la contemplation des cendres qui gisaient dans l'âtre. Ceci est-il réel? C'est bien moi, Pip. Monsieur Jaggers m'a donné votre mot hier et je n'ai pas perdu de temps. Merci. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose à notre dernière conversation, Pip, pour te montrer que je ne suis pas de marbre. Mais peut-être ne peux-tu plus envisager qu'il y ait encore un peu d'humanité dans mon cœur. Si, mais si, bien sûr. Parlant à propos de ton ami, tu m'as proposé de faire quelque chose de bien et d'utile. Qu'est-ce que c'est ? Il travaille actuellement dans une petite entreprise qui a besoin de capitaux. Si ces capitaux pouvaient être obtenus, mon ami deviendrait le partenaire. Tu t'es arrêté parce que tu me détestes trop pour me parler? Non, non. Je me suis arrêté parce que j'ai cru que vous ne me suiviez pas. J'ai peut-être perdu un peu le fil. Bien. De quelle somme as-tu besoin? 900 livres. Si je te donne cette somme, tu auras l'esprit plus tranquille. Bien plus tranquille. Es-tu très malheureux en ce moment? Je suis loin d'être heureux. Mais j'ai d'autres sujets d'inquiétude que ceux que vous connaissez. Ne puis-je rien faire pour toi? Rien. Sois gentil d'approcher la bougie de mon écritoire. Ceci est un pouvoir par lequel je demande à M. Wemmick de te verser la somme d'argent convenue dont tu pourras disposer pour l'investir au nom de ton ami sans que ta responsabilité soit engagée. Mon nom est en haut de la feuille. Si un jour tu peux écrire sous ce nom, je vous pardonne, quand bien même mon cœur brisé serait depuis longtemps tombé en poussière. Fais-le, je t'en prie. Madame, je peux le faire dans l'instant. J'ai moi-même trop besoin de pardon et de conseils pour éprouver de la rancœur envers vous. Je vous en prie, madame, relevez-vous. Qu'ai-je fait? Laissez-moi vous aider à vous relever. Voilà. Et si vous pensez à ce que vous avez fait pour me blesser, je peux répondre que je l'aurais aimée en toutes circonstances. Est-ce qu'elle est mariée? Oui. Qu'ai-je fait? Mon cher Pip, au début, je voulais vraiment lui épargner le chagrin qui avait été le mien. Je préfère vous croire. Mais elle grandissait, promettant d'être d'une grande beauté. Et là, j'ai pris son cœur pour le remplacer par un bloc de glace. Il aurait mieux valu lui laisser son cœur naturel, au risque qu'il soit brisé ou meurtri. Si tu connaissais toute mon histoire, elle susciterait ta compassion et tu me comprendrais mieux. Il se trouve que je la connais et je crois avoir compris le rôle qu'elle a joué dans vos décisions. Mais vous, pouvez-vous me dire le rôle qu'a joué M. Jaggers dans votre histoire ? Il m'avait aidé à bannir toute vie de cette maison quand je lui ai dit que je souhaitais une petite fille à élever. Une nuit, il m'a amené une petite orpheline endormie que j'ai appelée Estella. Elle avait 2 ou 3 ans. J'avais obtenu ce que je voulais pour Herbert et appris tout ce que Mademoiselle Havisham savait d'Estella. J'étais dans l'escalier quand je crus soudain voir Mademoiselle Havisham pendue à une poutre. La grande terreur que me causa cette hallucination me poussa à remonter vérifier que la vieille dame allait bien. Je poussai la porte de la salle à manger. Elle était assise, dos à moi. Elle esquissa un mouvement, effleurant la bougie. Une grande flamme claire surgit. Mademoiselle Havisham se précipita vers moi en hurlant. Elle était transformée en torche. Je me précipitai pour la plaquer au sol, jeter mon lourd manteau sur elle, tirer la grande nappe pour l'en recouvrir et l'envelopper étroitement tandis qu'elle se débattait. Je ne me relevais qu'à l'arrivée des secours, surpris de constater que mes 2 mains étaient brûlées car je n'avais ressenti aucune douleur. Quand je revis Mademoiselle Havisham 1 heure plus tard, elle était allongée à l'endroit même qu'elle avait frappé de sa canne en disant qu'elle y serait un jour étendue. Couverte de blanc, elle ressemblait encore davantage à une mariée fantomatique. Avant de partir, je me suis penché pour déposer un baiser sur ses lèvres au moment où elle prononçait ces mots. Prends un crayon et écris sous mon nom. Je lui pardonne. Mes cheveux avaient pris feu, mais mon visage avait été épargné. Et Herbert s'occupait de changer régulièrement les pansements qui enveloppaient mes mains. Cher Handel, je vais t'ôter le bandage avec une telle dextérité que tu ne t'en apercevras même pas. Mets ton bras sur l'accoudoir. Comme ça? Parfait. Je suis passé voir Provis hier soir. Et tu sais quoi? Il s'améliore. Je t'avais dit que je l'avais trouvé adouci la dernière fois que je l'ai vu. Les 2 sont vrais, tu me l'avais dit, et il s'est adouci. Il m'a raconté d'autres détails de sa vie. Tu te rappelles qu'il s'était interrompu au moment où il évoquait une femme qui lui avait causé de gros problèmes? Je t'ai fait mal? Non, non. J'avais oublié cet épisode et tu me le rappelles. Il m'a précisé les choses. Mais peut-être préfères-tu qu'on n'en parle pas tout de suite? C'est assez terrible. Au contraire, je veux tout savoir. Au mot près. Hop! Voilà un bandage envolé. Et voici l'autre, tout frais, tout neuf. C'est le froid qui te fait réagir, mais après, tu ne sentiras plus rien. Apparemment, c'était une très jeune femme d'une jalousie extrême. Jusqu'à quel point? Jusqu'au meurtre. Désolé, le froid du bandage t'a saisi. Je ne le sens même pas. Qui a-t-elle tué et comment? Une femme. Elle l'aurait étranglée. Jaggers a défendu la meurtrière et c'est comme ça que Provis l'a connue. L'accusé a été condamné ? Non, acquitté. Mon pauvre Handel, je te fais souffrir. Non, non, on ne saurait être plus délicat. Continue. L'accusé et Provis avaient eu un enfant que Provis aimait énormément. Le soir du meurtre, la jeune femme vint le trouver et lui jura que jamais plus il ne verrait leur enfant. Elle allait le tuer. Puis elle disparut. Tiens, donne-moi ton bras. Comme ça. Voilà ton bras gauche bien installé dans son écharpe. À la main droite maintenant. Tu es sûr que tu n'as pas de fièvre, Handel ? La femme a-t-elle tenu parole ? Ici commence la partie terrible de la vie de Provis. Elle a tenu parole. En tout cas, c'est ce qu'elle lui a dit. Cette femme avait partagé 4 ou 5 ans de la misérable vie qu'il nous a racontée ici, et apparemment il a eu pitié d'elle. Craignant d'être appelé à témoigner sur la disparition de l'enfant et de la faire condamner à mort, il s'est fondu dans l'ombre, comme il dit, à l'écart de tout, et n'a été que vaguement évoqué sous le nom d'Abel, objet de la jalousie de la femme. Après l'acquittement, elle a disparu, et lui a perdu et l'enfant et la femme. Herbert, tu me vois mieux à la lumière du jour ou à la lumière de la cheminée ? Le feu t'éclaire mieux. Regarde-moi bien. Je te regarde, mon ami. Touche mon front. Voilà. À ton avis, ai-je de la fièvre ? Est-ce que mon accident d'hier m'a dérangé le cerveau ? Non. Je te trouve nerveux, mais tu es tout à fait toi-même. J'en suis sûr, moi aussi, Herbert. Comme je suis sûr que l'homme que nous abritons au bord du fleuve est le père d'Estella. Le lendemain, je me présentais à l'étude. Jaggers et Wemmick étaient occupés à mettre de l'ordre dans la comptabilité. Je dus relater en détail l'accident qui m'avait laissé dans le piteux état où ils me voyaient. Puis, je produisis le pouvoir que m'avait confié Mademoiselle Havisham. Les yeux de Jaggers se rétractèrent légèrement, mais il agit aussitôt. Tenez, Wemmick, veuillez immédiatement établir un chèque à ma signature. Voilà. Tenez, Pip. Je suis désolé de n'avoir rien pour vous. J'ai demandé à Mademoiselle Havisham des informations sur sa fille adoptive, qu'elle a eu la bonté de me confier. Vraiment ? Je ne crois pas que j'aurais agi de la même façon que Mademoiselle Havisham. Mais elle gère ses affaires comme elle l'entend. J'en sais plus long qu'elle. Je connais la mère de sa fille adoptive. Sa mère ? Je l'ai vue il y a 3 jours. Vraiment ? Et vous aussi, monsieur. Vous l'avez même vue plus récemment encore. Vraiment ? Je connais son père aussi. Je vois à votre physionomie que vous ignorez ce détail-là. Le père d'Estella s'appelle Provis, de la Nouvelle-Galles du Sud. Et sur quelle preuve monsieur Provis s'appuie-t-il pour affirmer cela ? Il l'affirme d'autant moins qu'il ignore que sa fille est vivante. Maintenant, monsieur Jaggers, je vous supplie d'être franc et généreux avec moi. J'ai besoin d'entendre de votre bouche la confirmation de la vérité. Tant pis si mes pauvres rêves ne sauraient vous affecter, mais j'aime Estella depuis le premier jour. Et tout ce qui la concerne me concerne plus que tout au monde. Monsieur Wemmick, je sais que votre cœur est bon. J'ai vu votre délicieuse maison. Votre vieux père et les 1000 inventions amusantes grâce auxquelles vous égayez votre vie. Je vous conjure d'adresser un mot en ma faveur à monsieur Jaggers. L'idée me traversa l'esprit qu'après ce que je venais de dire à Wemmick, il allait être congédié sur le champ, mais elle s'évanouit quand je vis les traits de M. Jaggers se détendre sous l'effet d'une sorte de sourire, et Wemmick s'enhardir soudain. Qu'est-ce que j'entends ? Vous, avec un vieux père et des inventions amusantes ? Et alors ? Du moment que je ne les amène pas au travail ? Pip, cet homme est l'imposteur le plus habile de Londres. C'est inexact. Vous êtes pire. Vous, avec une délicieuse maison ? Du moment que ça ne nuit pas aux affaires. D'ailleurs, je ne serais pas étonné de voir une maison délicieuse sortir de votre imagination quand vous serez enfin lassé de votre travail. Bien, Monsieur Pip, je vais vous proposer un cas hypothétique qui ne vaut pas confirmation. J'ai bien noté que vous ne confirmez rien. Dans ce cas hypothétique, une femme, les circonstances sont celles que vous avez mentionnées, cache son enfant mais en informe son avocat, lequel a été par ailleurs chargé de trouver une fille à adopter pour une dame excentrique. Je vous suis, monsieur. Cet avocat hypothétique a été, par son métier, constamment confronté au mal. Il a constaté que la plupart des enfants ne naissent que pour leur propre perte. Il les sait voués à être emprisonnés, fouettés, déportés, négligés, exclus, préparés au mieux pour l'échafaud. En résumé, autant de frais qui remplira plus tard son propre filet de poisson. Je vous suis, monsieur. Imaginons qu'il y ait eu dans le tas une jolie petite fille que son père croit morte sans oser s'en plaindre, et que l'avocat ait proposé à la mère de cet enfant de la tirer d'affaire à condition qu'elle remette l'enfant entre ses mains. Étant entendu que je n'admets rien de tout cela. C'est une chose entendue. Vous n'admettez rien. Supposez que la terreur de l'échafaud ait ébranlé l'esprit de cette femme, et qu'elle soit venue demander asile à son avocat, seul apte à contenir sa nature violente. Tu me représentes tout cela. Venons-en à l'hypothèse finale. L'enfant a grandi, a fait un beau mariage, le père et la mère sont vivants, le secret l'est resté. À qui profiterait la révélation ? À personne. Et particulièrement pas à la fille qui replongerait dans tous les périls auxquels elle a échappé. Ajoutons l'hypothèse, Pip, quel ait été l'objet de ces pauvres rêves qui ont habité la tête de beaucoup plus d'hommes que vous ne semblez croire. Alors, je vous le dis, plutôt que de révéler ce secret, vous feriez aussi bien de vous trancher la main gauche avec la droite et de passer la hache à Wemmick pour qu'il la tranche à son tour. Et maintenant, Wemmick, où en étions-nous quand Monsieur Pip est entré ? Bordereau 325. 325 déjà ? Oui. Trafic d'influence. Oui. C'est pas un peu sorti. Non. C'était Les Grandes Espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 13e épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Dominique Raymond, Philippe Magnan, Brice Hilleré, Philippe Bautier, Valérie Moinet. Et les voix de Pauline Choplin, Jeanne Carillon, Eurydice Ellettre. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Moussin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.